Que ça, mec de cité qui aime que ça, elle veut son que ça. Miskin elle aura que ça, en plus elle traite un sale cul ça. J'suis dans le cul, 5 sport, 1. J'tartine à mort sur le périph', j'suis dans l'import, export, 1. Soir c'est y'a plavon sur périph'. Dans le vaisseau spatial, les pneus font skunk. Côté passager chinois font score dans le coffre, 4-5 gros litrons skunk. 4 sorties de poste, tartine y'a les stars. Bleu, blanc, rouge, j'entends les phares. J'passe les vitesses dans le gamme au sens effort. LDB dans la tchaf, France capot son passage, il me dit non les gars c'est fort. Kip ta bras long mais chez nous on te l'ampute. Le buzz, le fric attire ses putes, trop bloqué dans la street, j'ai de la pêche, j'suis dans le fut. Argent facile car on est futé. 4-4 de compo fut. Terrain vaste, ils ont pété les foutes. La ville est zombifiée, allez retour dans le bec, ils viennent pêcher la pure. Ton cadavre foutra pas, c'est nous on est vite prendre physique. Tu fais c'est la moula à 4 fois ta pile. Tu rougis, tu paniques, ton cœur il palpite. Tu veux lâcher une rabat, mais là c'est cuit. Obligé de revenir en force, c'est nous les méchants pour le dos, on tord, on tord. On te fait du sale, ça c'est fort, coup de porte, tiens les seven qui descendent en force. Râle pas, t'as fait chez Zeveski. Trois bobines sur moi, la vie c'est pas mich-mich. Si je me fais pète, t'as joué, j'en babille. Eh putain, je te retourne